Bagay la joie, bagay bel odo, se sa kwe pa jwi la ve. Men bon die bon, yon jo ma valez, pou m fè tou sa vle. Mwen pa bin kouraje, yon jo kanmen, ma jwe yon fi chans. La vie, c'est vivre en espoir, pas désespéré. L'œil au nom passant, fort capable supporter. Leur procédé demain, pour capable réaliser ça, c'est. L'œil au nom garçon, wap supporté, faut pas dépatienter. Leur procédé demain, au capable, rien réaliser. L'œil au nom garçon, wap supporté, faut pas dépatienter. Leur capable réaliser. Après 2 années passées loin de mes terres, je reviens. J'ai hâte de voir ma femme, mes enfants, ma guilive, mes moutons et mon joli cheval gris. Cependant, leur avance, je devais beaucoup de peine à traverser les 50 kilomètres que je dois parcourir. Ouais, monsieur Henri, monsieur était allé prendre du clairin à la Guilive. La bougie a pris communication avec ses liquides. Le feu a tout consumé. Le pauvre, il s'enfuit, un jambe cassé. Oh, misérable, imbécile, tu disais que qu'il n'y a rien. Ouais, monsieur Henri, sauve-t-il toujours? Le médecin voit un traitement assez sérieux. Heureusement, le tétanos a vite fait son travail. Depuis 2 mois, mes sangs ne souffrent plus. J'achève de malheureux jours, durant les trésors, durant les 2 années que tu as passées dehors. Et adieu, cher patron, et que les chiens soient le gardien de ton cadavre. Ce soir, je m'en vais tu, bande avec 5 ans. Accompagné de quelques demoiselles ici présentes, si ne pas tromper. Moi, pas que l'argent, pas qu'un bel auto, c'est ça que je pas jouer la vie. Mais bon, Dieu bon, yon jour ma valise, pour me faire tout sembler. Moi, pas découragé. Yon jou kan mèm, ma jwè yon fè chans. Men dan la vi, se viv an espoa, pa desespere. Lè yon nom gason, fò kapab supporte. Lè posede demèm. Pour capable réaliser, ça c'est vrai. L'œil au nom garçon, ou à supporter, faut pas dépatienter. Leur procédé demain, pour pour capable réaliser. Le yon homme garçon, pour supporter, faut pas dépatienter. Le procéder demain, pour capable réaliser.